KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour, bonjour. This is Freddie, and tonight is going to be a show with a great variety of artists. All the songs are going to be in French, as usual, but there's going to be different styles, so I hope you'll enjoy it. Allez, on y va. First, we're going to listen to Juliette Armanet with L'amour en solitaire, Solitary Love. Then, it's going to be Julien Doré with Coco Caline. Then, we're going to listen to M, which is also known as Mathieu Chedid, with a song that's not a recent one, but that's a good one, and I think it's going to become a classic, and it's called La Bonne Étoile, The Good Star. Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seul dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Thank you. Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout dans la nébuleuse. En regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, ma belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de qu'un jour je pourrais y croire. Ça m'sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Thank you. C'était Juliette Armanet, L'amour en solitaire, et Julien Doré avec Coco Caline, et M avec À la bonne étoile. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Annabelle, and the name of the song is Tu m'aimes bien, You Like Me a Lot, and it's featuring Slimane. Then Arthur H with La Tour Eiffel Sidérale, The Sidéral Eiffel Tower, and Daniel Balavoine with Sauver l'amour, Save Love. L'amour, la haine, les bons moments. Pour remplacer t'exorciser. La douleur, puis lentement quitte les trans en douceur. Alors reviens dans sa conscience. La douleur, au fond de lui, sans cette peur immense de voir mourir ce sentiment d'amour intense. It was Annabelle with Tu m'aimes bien, featuring Slimane, then Arthur Ashe with La Tour Eiffel Sidérale, and Daniel Balavoine with Sauver l'amour. There's only one little operation they perform here. It's on the brain. It's called a lobotomy. Big-eyed puppies and daffodils. Season 2 of Les Manics Elevator can be heard on Sunday nights at 5 o'clock on KFAI's Fresh Air 2, our streaming service. If reviewed by the BBC, no doubt they would say that Elevator is a warm tonic for everyday living. 5 o'clock Sundays. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to a band I like a lot. It's Bébé Brune. And the name of the song is Éclair, Éclair. Lightning, lightning. Then, we're going to listen to Ben, L'Oncle Soul, with Mon Amour, My Love, and then Boulevard Désert, with Emmène-moi, Take Me With You. Éclair, éclair, tatoué sur la peau.

It was Jacques Brel with La Chanson des Vieux Amants, Françoise Breud with Les Jeunes Pousses, and Camille with Je ne suis pas ta chose. What's up? It's your boy Ilwin. Make sure you tune into my show, No Tea, No Shade, every Sunday at 11 a.m. The No Tea, No Shade show is full of entertainment, music, interviews, and informative conversations. You never know what genre we gonna tap into. You never know what messy story we gonna cover. Hey, you don't even know who we gonna interview or what taboo topic we getting into. Only on 90.3 FM, KFAI, streaming online at KFAI.org. And it's No Tea, No Shade. I am Abdulrazak Bihi from Somali Link Radio. Don't miss my show Somali Link Radio every Tuesday 6 p.m. to 7 p.m. at kfai.org or KFAI 90.3 FM. Hamognanin ina dagaysato showgayga oo ah Somali Link Radio oo kasoo baxa KFAI Radio oo ah 90.3 FM. Ama at kadagaysan karto markasta kfai.org. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to Francis Cabrel with Je pense encore à toi, I still think of you. Then Calogero, Mélodie en sous-sol, Melodies in the Basement. And Cleo with Simon or Simon. Je suis entré dans l'église, je n'y ai vu personne. Que le regard éteint du plâtre des statues. Je connais un endroit où il n'y a rien au-dessus. Je pense encore à toi. J'aurais dû me méfier des vents qui tourbillonnent, de ces pierres qui taillent cachées sous l'eau qui dort, de ces bouts de ruisseaux qui deviennent des ports. Je pense encore à toi. On m'avait dit que tout s'efface. Heureusement que le temps passe. J'aurais appris qu'il faut longtemps, mais le temps passe, heureusement. Heureusement. J'ai croisé le mendiant qui a perdu sa route. Dans mon manteau de pluie, je lui ressemble un peu. Et puis j'ai ton image plantée dans les yeux. Je pense encore à toi. Je pense encore à toi. Je pense encore à toi. Yeah. L'odeur, il a, lui manque juste l'odorat. Il a la perception limitée, quelques poussières dans le nez. Simon sent dessus, dessous, Simon sent partout. Pas tout à fait conscient de l'odeur qu'il répand. Mais si mon Simon sent autant, cela ne m'empêche pas pourtant de lui prêter quelques sentiments passants. Quelques sentiments passants, l'arrêt m'est impossible. Simon a cela de grand, il ne laisse personne insensible. Car Simon sent, oui, mais sans sauna, hiver comme été. Guère d'autre choix que le doux pour se nettoyer. Que le doux plutôt que la douche, guère d'autre choix que louche. Et quand il fait trop froid, il ne se baigne pas. Moi je lui prête des sous, moi je lui paye les bains douches. Quand il fait trop froid pour le doux, pas assez chaud pour louche. Naïf, je peux imaginer qu'il saura dépenser. J'ose croire qu'il pourra s'en servir pour moins se faire sentir. Si mauvais et mes mots je les pèse, qu'on ne peut lui parler de près sans faire un malaise. Et pourtant Simon me plaît, je voudrais rester, je voudrais qu'il sente moins mauvais pour pouvoir l'embrasser. Mais Simon, Simon sentait bon, Simon ne serait plus Simon. Et mes sentiments passants seraient dépassés. Car un Simon agréable au nez n'aurait certainement plus la moindre raison de finir en chanson. It was Francis Cabrel with Je pense encore à toi, Calogero with Mélodie en sous-sol, and Cleo with Simon. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to La Belle Canadienne, La Belle Québécoise, Cœur de Pirate, with Dans la nuit, In the Night, featuring Loud. Then Annie Cordy with Ça ira mieux demain, pretty popular song in France, It will be better tomorrow, and Corinne with Pourquoi, pourquoi, why. Est-ce qu'on parle encore de pacte? On s'est juste utilisé, et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos ombres, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses qui résonnent dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole. L'attention, t'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après, crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit, c'est la deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses for the moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classes gone et sous le charme. And baby that's all I need. Yeah.

trésors dans les rêves où tu t'endors. Les couloirs de la pension sont devenus ta maison. Y a des bleus, des taches d'encre dans ta vie, petit Franck. Mais tu te bats dans la cour, mais tu te bats par amour, pour pas crier au secours. Faut pas pleurer, le plus fort. Il faut serrer les poings très fort. Elle est partie pour tes 10 ans. Elle revient quand? Et tu dessines son visage avec des mots de ton âge. Quand tu es seul le dimanche dans ta vie, petit Franck, y'a tous ceux qui ne comprennent pas et qui se moquent de toi. Alors des fois tu t'en vas. Faut pas pleurer, tu es le plus fort. Serrer les poings très fort. Et parti pour tes 10 ans. Depuis tu dis, elle revient quand? Faut pas pleurer, le plus fort. Il faut serrer. It was Françoise Hardy with Message Personnel, Mylène Farmer with Sans Contrefaçon, and François Feldman with Petit Franck. Hey, I'm Chris Cartwright. Join me late Wednesday nights at midnight for the Starlight Serenade, bringing you 2 full hours of the very best in vocal jazz, from the blues to standards to showstoppers to soul, and lots of great stuff in between. We'll play you the artists near and far who have invented, perfected, and transformed the art of vocal jazz, from Ella Fitzgerald to Esperanza Spalding, Johnny Mathis to John Batiste, Cole Porter to Gregory Porter. You get the idea. It's your overnight dinner party playlist. Tune in to the Starlight Serenade live on the dial Wednesday nights from midnight to 2 a.m. or online and archived at kfai.org. See you there. Now it's going to be Léo Ferré with Miss Guerre, like Miss War. It's a anti-war song. Then we're going to listen to Nino Ferrer, who was very famous in the 60s and kind of very funny too. And the name of the song is Alexandre, like the first name, Alexander. Then we're going to conclude with Carla Bruni with a song called La Dernière Minute from her album Quelqu'un m'a dit. La Dernière Minute is the last minute before the end. Tu ne veux pas qu'on te foute un sac sur les ormeaux, prends ton callback, un vieux rafio, et allez gros, demande au vent de pousser au cul

pas tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. It was Léo Ferrer with Miss Geiger, then Nino Ferrer with Alexandre, and Carla Bruni with La Dernière Minute. Now, we're going to listen to Thomas Fersen with Bucéphale, which is the name of a horse, and in this song is a horse track racing, and he better win, otherwise he's going to lose everything and eat his hat. Then we're going to listen to two songs from Serge Gainsbourg, and they are from the same album. The first one is Black Trombone, and the second one is Du Jazz dans le Ravin, some jazz in the ditch, and they are both from the same city, Du Jazz dans le Ravin. Remporter cette course, ça enflouerait ma bourse et noirait le poisson. Si ce maudit canasson remportait cette épreuve, peu importe qu'il pleuve, ça sauverait la saison. Si ce vieux Bucéphale n'est pas le bon cheval, je mange mon journal. Si ce maudit canasson gagne sur le papier, il reste à recopier tout ça sur le gazon. Si un autre canasson vient mettre le désordre, il me reste la corde, la balle ou le poison. Si ce Bucéphale n'est pas un bon tuyau, je mange mon chapeau. Renaissance de ses cendres, je serai l'Alexandre du débit de boisson. Mais si un autre équidé sort du cornet à dés, je rends mon tablier et je me fais oublier. Si ce vieux Bucéphale ne vaut pas un jeton, je mange mon melon. Sur ce maudit canasson, j'ai joué mon alliance pour sauver la finance, redorer mon blason. Et j'ai le cœur qui galope et les poumons qui jouent. Je fume clope sur clope et je mange maison. Si ce vieux Bucéphale ne sauve pas la mise, je mange ma chemise. Coiffé d'un cheveu par son petit neveu.

passera à la petite cuillère. It was Thomas Fersen with Bucéphale, then Serge Gainsbourg with two songs, Black Trombone and Du Jazz dans le Ravin. Hi, this is Ian Owundo, the 2022 Little Africa Festival Manager. Minnesota, I would love to personally invite you to the festivities. Little Africa Festival is a community, family-friendly event, a place and a festival where music, art, culture, dance, food, and community come together. August 7th, from 12 p.m. to 9 p.m., Hamlin Park, right in St. Paul on Snelling Avenue. We cannot wait to have you there. You can learn more about the festival on littleafricafest.com or right on our Facebook page, Little Africa MN. Minnesota, we cannot wait to welcome you, and we hope to see you there. ጠናስተልኝ ስሜ ጸጋዬ ኤዳኦ ገልገሉ ይባላል። እዚህ ሴንት ፖል ሚኒሶታ ውስጥ የሚገኝ African Economic Development Solutions የሚባል ድርጅት ውስጥ ነው መሰራው። ይህ መልእክት ከዚሁ ከAfrican Economic Development Solutions የተላለፈ ነው። ኦገስት 7 2022 ከቀኑ 12 ሰዓት PM እስከ 9 ሰዓት PM ታላቅ ዝግጅት ወይም ተእይንት ሃምሊን ፓርክ ውስጥ አዘጋጅቷል። ይህም ዝግጅት Little African Festival and Parade ታብሎ የሚታወቅ ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ የተለያዩ የአፍሪካ አገራት ማህበረሰቦች በመገናኘት ባህሎቻቸውን፣ ያለባበስ ስነ ስርዓቶቻቸውን፣ ያመጋገብ ስነ ስርዓቶቻቸውን፣ ሙዚቃዎቻቸውን፣ ዳንሶቻቸውን፣ የተለያዩ ንግድ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳዩ ሲሆን እናንተም በዚህ ታላቅ ትዕይንት ወይም ዝግጅት ላይ በመሳተፍ ዝግጅቶቻችሁን እንድታቀርቡ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። እንደገና ቀኑ እሁድ ኦገስት 7 2022 ሴንት ፖል ሚኒሶታ ሃምሊን ፓርክ ውስጥ ነው የሚካሄደው ከቀኑ 12 ሰዓት PM እስከ 9 PM ለበለጠ መረጃ የኛ ዌብሳይት www.littleafricafest.com ወይም በፌስቡክ ፔጃችን ላይ @littleafricamn በሚለው ላይ ማግኘት ይቻላል እና መሰግናለን በዛን ቀን እንደምትሳተፉም ተስፋ እናደርጋለን thank you now we're going to listen to Elodie Frege with the song called Il pleut it rains And it's from an album that is a tribute to Renaud. And so the song is originally from Renaud. Then we're going to listen to René Grolier. We're going to listen to what we call musette, so accordion, and often really liked in the country. And the name of the song is Tuer la commère. And a commère is someone who's bad mouthing in general. But the song is instrumental. Then we're going to listen to Jean-Jacques Goldman with Confidentiel. Confidential. Tu peux pas te casser, il pleut. Ça va tout mouiller tes cheveux. Je sais que tu seras jolie quand même. Mais quand même tu seras partie. Moi il me restera à peine que ma peine et mon envie de te coller quelques beignes et quelques baisers aussi fais gaffe dehors c'est pas mieux y a de la haine dans tous les yeux y a des salauds très dangereux et des imbéciles heureux Je suis mille fois meilleur que pour soigner tes petits bleus. Tu peux pas te casser, il pleut. Ça va tout mouiller tes cheveux. Tu peux pas te casser parce que t'as pas le droit, c'est pas du jeu. On avait dit que tous les deux, on resterait. Du feu, t'aurais pu attendre un peu. J'allais bientôt être vieux. Tu peux pas te casser, il pleut. Ça va tout mouiller tes cheveux. Tu peux pas te casser, je t'aime. Allez d'accord, t'as gagné. Je te rallume la télé. Mais tu peux pas te casser, il pleut. Ça va tout mouiller tes cheveux. Tu peux pas te casser, il pleut. Ça va tout mouiller, messieurs. Chaud dans mes hivers, un petit feu de toi.